rouge. Oh, Elville, moi qui suis un ours. Oh, Elville, une douceur angeline aux abords d'une presqu'île. Oh, Elville, tes cris ne sont pas un Elville, ta vie.